Chapitre 6. Édraï est une belle ville. Les païens habitent à part des juifs. Jésus n'y a pas trouvé de contradicteurs et il a opéré un grand nombre de guérisons. Il fit un discours où il était question de la vache rousse, de la mort d'Aaron et de sa sœur Marie, et du serpent d'airain qu'il présenta comme étant une figure du Messie. Il parla aussi du vœu de Jephté et de la punition de Corée, de Dathan et d'Abiron. Il y a dans le pays des gens qui proviennent de la même source que ces derniers. Moïse a livré une bataille dans les environs d'Édraï. Josué donne à Édraï à la demi-tribu de Manassé. Jésus, accompagné de Pierre, de Jacques et de Jean, alla d'Édraï à Bosra, qui est encore plus à l'est. Sur la route en plein air, il fit devant une nombreuse foule une instruction où il parla spécialement de la mort de Corée, de Dathan et d'Abiron, car plusieurs descendants de la famille de Kath habitaient ce pays. Il y avait là des gens de toute la contrée et de Bethérant-Juliade. Il guérit un grand nombre de malades et de possédés et continua sa route jusqu'à Bosra, qui est à environ 6 lieues à l'est d'Édraï. À mi-chemin, il enseigna et guérit sur une jolie colline où il y a des arbres et des clôtures. Elle est située à une petite lieue d'une bourgade dont les maisons, disséminées sur une longue étendue, sont habitées en grande partie par sept races de Corée, de Dathan et d'Abiron. Le nom de cet endroit est quelque chose comme Corée ou Corée. Bosra est ville de Lévites. Un assez grand nombre de païens y habitent à part des Juifs. Ils ont plusieurs temples. Pierre y est déjà venu pendant que Jésus était en Chypre et il a racheté des Juifs qui étaient esclaves des païens. Il y en avait encore beaucoup dans le même cas. Jésus les délivra. Il guérit ici beaucoup de malades et chassa beaucoup de démons. Il guérit entre autres des malades que ses disciples n'avaient pas guéris. Quelques païens furent aussi baptisés en secret. Ils se feront circoncire. À Édraï, comme ici, plusieurs convertis apportèrent au Seigneur en présent de fortes sommes en or, qui furent employées à racheter les captifs et à soulager les pauvres. Bosra est un lieu d'asile pour les meurtriers. Plusieurs pécheurs confessèrent leurs crimes à Jésus. Jésus logea chez les Lévites, et le soir il partit pour Nobé, qui est à environ 5 lieues au nord-est et où il arriva fort tard. À part la partie païenne de la ville, il n'y a à Nobé, en fait de juifs, que des réchabites. Lorsqu'il revint de la captivité de Babylone, ils trouvèrent cet endroit occupé par les païens, le conquérant et s'y établirent. Ils descendent de Jéthro, et plus tard des prophètes leur donnèrent une certaine organisation. Il y a là un grand édifice très ancien, ressemblant à un grand château fort, autour duquel la plupart habitent. Ils ont une aversion incroyable pour les pharisiens et les sadducéens, qu'ils évitent tant qu'ils le peuvent. Nobé s'étend très loin dans la direction du Levant. On y a vu sur l'Arabie, qui doit commencer à 1 lieue de là tout au plus. Il y passe une route militaire allant de l'Arabie à Damas, à Jessur, à Panéa et aux pays circonvoisins. Les réchabites mènent une vie très austère. Ils ont de nombreux troupeaux et ne boivent jamais de vin, si ce n'est à certains jours de fête. Ils tiennent fortement à la lettre de la loi. Jésus leur donna des avis à ce sujet et enseigna sur l'esprit et sur la lettre. Ils se montrèrent très humbles et prirent tout en bonne part. Ici aussi beaucoup de gens furent baptisés et guéris, où amena Jésus un grand nombre de possédés qu'il délivra. Il y avait un hôpital plein de possédés. Aucun apôtre n'était encore venu ici. Pierre, Jacques et Jean opérèrent aussi des guérisons et enseignèrent. Quelques païens vinrent trouver Jésus sur la limite de leur quartier et lui témoignèrent de grands égards. Quelques-uns d'entre eux furent baptisés et guéris. Jésus ne trouva pas ici de contradicteurs et il travailla incroyablement. Il logea dans l'hôtellerie voisine de la synagogue. Nobé est une ville libre qui fait partie de la décapole. Elle se gouverne elle-même. Jésus est allé à 5 lieues au sud-ouest de Nobé, à 2 lieues à l'est de Bosra et à 3/4 de lieue environ de Selcha, qui est au pied de la chaîne de l'Hermon. Dans un charmant village de bergers, qu'on appelle le camp de la paix de Jacob, parce que c'est l'endroit où ce patriarche, poursuivi par Laban, campa pour la première fois à son retour dans la terre promise. C'est ici que commencent les montagnes de Galaad. Les bergers qui habitent ce lieu descendent d'Éliézer, ce serviteur d'Abraham, qui alla chercher Rebecca pour son fils Isaac. Il y avait aussi parmi eux des descendants de Jean, que Melchizedek avait délivré de l'esclavage où Sémiramis les retenait, et établi ici sur la frontière. Plus tard ils s'unirent par des mariages avec la postérité Éliézer. Il y a ici trois belles fontaines, elles sont situées au pied d'une agréable colline, tout autour de laquelle sont établies, comme dans un rempart couvert de verdure, de jolies et fraîches habitations. Les plus âgés et les plus considérables, parmi les possesseurs de troupeaux, habitent près de cette colline, au haut de laquelle est un emplacement destiné à la prédication. De tous côtés on voit s'étendre au loin des pâturages et des enclos remplis de chameaux, d'ânes et de moutons. Chaque espèce d'animaux est à part, et il y a des abreuvoirs près des puits. Les bergers habitent sous des tentes dressées sur des fondements solides, à quelque distance des fontaines. La plaine est couverte de longues rangées de mûriers, mais ce qui offre surtout un charmant aspect, c'est un chemin très long bordé de poteaux soutenant une plante grimpante d'une végétation très riche, qui couvre souvent un espace de 200 pas et qui porte des fruits assez semblables à des courges. Ce chemin va de la colline à Selcha et forme comme un berceau de verdure à perte de vue. Les gens de l'endroit avaient célébré, peu de jours auparavant, une fête commémorative de la délivrance de leurs ancêtres réduits en esclavage par Sémiramis. Ils vont à Selcha pour assister à la synagogue, et c'est de cette ville qu'on vient les instruire. Le village des bergers est en grande estime dans le pays, on le considère comme une fondation en mémoire de Jacob. On y exerce largement l'hospitalité. Les bergers ont l'obligation d'héberger et de traiter amicalement, moyennant une modique redevance, les caravanes arabes et en général tous les étrangers. Jésus arriva vers midi avec les trois apôtres. Il s'arrêta devant le village près d'une des trois fontaines. Les plus vieux d'entre les bergers vinrent lui laver les pieds et lui apportèrent des fruits, du miel et du pain. Ils savaient déjà qu'il viendrait, et on avait amené dans le tour bâtiment, qui est adossé à la colline, beaucoup de malades, que Jésus guérit et enseigna. 400 bergers au moins s'étaient rassemblés là avec leurs femmes et leurs enfants. Les femmes portaient des robes beaucoup plus courtes que celles qu'on porte ailleurs dans la terre promise. Jésus les enseigna près de la colline, il fut très affable et très cordial avec eux et il leur remit en mémoire le passage des trois rois qui avaient fait une halte ici 32 ans auparavant. Il y avait là beaucoup de gens qui s'en souvenaient. Il parla de l'étoile de Jacob, prophétisée par Balaam, et de l'enfant nouveau-né que ces sages rois étaient allés visiter. Il parla de l'accomplissement des prophéties, de Jean le précurseur, de son enseignement et de son témoignage, et dit que le Messie promis, le Consolateur et le Sauveur, était présent au milieu des Israélites, mais qu'ils ne le reconnaissaient pas. Il leur raconta des paraboles touchant le bon pasteur, les semailles et la moisson, car on faisait alors dans ce pays la récolte des fruits et celle du froment, qui a ici de très gros épis. Le Seigneur fut singulièrement affable et affectueux avec eux, en leur parlant, il les appelait toujours, mes chers enfants. Il vint encore 10 disciples envoyés à Jésus par les autres apôtres. Ils arrivèrent deux par deux, c'était toujours un ancien et un nouveau. Les frères de Marie de Cléophas, neveux de la Vierge, Jacob, Sadoc et Éliacim étaient de ce nombre. Ils venaient de la part des apôtres et des disciples détachés pour s'entendre sur le lieu où ils se réuniraient. Le Seigneur logea avec eux dans une maison située au pied de la colline. Ce matin, Jésus est encore allé visiter diverses cabanes de bergers, et il annonce des enseignements et des consolations. Il a raconté ici ce qui est arrivé aux bergers de Bethléem, comment ils ont vu l'enfant avant les rois et comment les anges le leur ont annoncé. Les gens de l'endroit ont pris Jésus en grande affection. Beaucoup voulaient tout quitter et le suivre afin de l'entendre toujours, mais il les a exhortés à rester et à observer ses enseignements. Les bergers d'ici portent attache autour du corps des paquets de laine fine qu'ils filent en gardant leurs troupeaux. Vers midi, des habitants de Selcha, qui est à peu près à une petite lieue au nord, vinrent inviter Jésus à visiter leur ville. Il y alla avec les disciples et fut solennellement reçu devant la porte par les maîtres d'école et leurs élèves. Ceux qui étaient venus le chercher, lui avaient demandé s'il pouvait donner le baptême de Jean, car dans ce pays on a eu une haute opinion du précurseur. Jésus les enseigna touchant le témoignage rendu par Jean. Il y eut beaucoup de baptêmes et de guérisons. Les enfants furent bénis. Jésus enseigna dans la synagogue. Des païens vinrent aussi le trouver, implorant ses consolations et son assistance. Ils sont ici en rapport assez intime avec les Juifs et ils ont des temples. La ville est toute en longueur, il y a deux rues. Jésus, accompagné des siens, a quitté Selcha avant midi. Il est allé à une lieue et demie à l'ouest, par un chemin qu'on appelle la route de David et qui se dirige à l'ouest vers le Jourdain, en suivant toujours les sinuosités des vallées. Ils firent une lieue et demie à l'ouest sur ce chemin, après quoi ils tournèrent au midi et prirent une grande route militaire qui conduit à un petit endroit dont le nom actuel est Antia. Ils avaient encore environ 5 lieues à faire jusque-là, et ils arrivèrent pour le Shabbat. Jésus était allé quelque temps avec eux sur la route de David pour la leur montrer et leur en dire quelque chose. Cette route est un enfoncement, une espèce de chemin creux qui parfois est rempli d'eau. Elle descend entre des montagnes le long d'une vallée solitaire. Sur l'un des côtés se trouve un sentier pour les chameaux. On rencontre par intervalles des emplacements disposés pour leur donner la pâture. Il s'y trouve des anneaux pour les attacher et des auges. Lorsqu'Abraham vint dans le pays, il vit sur ce chemin un point lumineux et il eut une vision. Lorsque David, par le conseil de Jonathan, conduit ses parents dans le pays de Masfa, il resta caché dans cette gorge avec 300 hommes, et c'est pourquoi elle a reçu le nom de route de David. Il eut ici une vision de l'avenir. Il vit un cortège lumineux, le cortège des trois rois, et il entendit des chants qui semblaient venir du ciel et qui célébraient le consolateur promis à Israël. C'est encore ici qu'il composa en partie l'un de ses psaumes. Malachie aussi, après un combat, suivit une lumière qui le conduisit ici et il s'y cacha. De même les trois rois, se laissant conduire par leurs chameaux, descendirent de la contrée de Selcha dans ce chemin où l'étoile leur apparut avec un éclat particulier et où ils firent entendre des chants mélodieux. Ensuite, suivant la rive du Jourdain, ils le passèrent vis-à-vis Corée, et se rendirent à Jérusalem par le désert d'Anato. Ils entrèrent par la porte où passa Marie venant de Bethléem pour la présentation au temple. Attentia, Jésus alla aussitôt à la synagogue. L'instruction traita de Balaam, de l'étoile de Jacob, du prophète Michée et de Bethléem Ephrata, nombre 22 à 25, Michée 5 à 6. Tant y apparaît être une vieille ville et comme une ancienne place forte. Il y a encore de vieilles tours et quelques arcades. Elle est grande et peu habitée. Il y a d'ici 7 bonnes lieues jusqu'à Ramoth-Galaad, qui est au sud-ouest. La ville a eu un autre nom que celui qu'elle a maintenant. À l'époque de Jésus, il y passe une grande route militaire allant à Bosra et plus loin. Les habitants vivent principalement de ce qu'ils gagnent avec les caravanes, dont ils reçoivent les marchandises en dépôt pour les envoyer dans d'autres directions. Jésus ne trouva pas de contradicteurs. Il guérit dans les maisons beaucoup de malades, parmi lesquels plusieurs que les disciples venus antérieurement n'avaient pas pu guérir. Il n'y avait ici rien d'organisé pour l'assistance des malades et des pauvres. Les disciples avaient déjà donné quelques règles à ce sujet, et Jésus mit tout à fait les choses en état. Aujourd'hui aussi le baptême fut donné par les disciples à un très grand nombre de personnes que Jésus prépara. Jésus enseigna sur l'étoile de Jacob, sur la prophétie de Michée touchant Bethléem, sur le voyage des trois rois, et il montra clairement que tout cela s'appliquait à lui. Les habitants et leurs rabbins étaient très pieux. On avait ici et dans d'autres endroits du pays la coutume de faire sur la route de David des pèlerinages accompagnés de jeûnes et de prières pour implorer la venue du Messie. Appuyés sur les anciennes traditions, ils espéraient avoir là des visions, des apparitions du Messie. C'était de là, croyaient-ils, qu'il viendrait les visiter. Pendant que Jésus enseignait, il disait souvent, « Il parle comme si c'était lui, pourtant ce n'est pas possible. » car ils s'imaginaient que le Messie devait arriver invisible dans Israël, à la façon d'un ange, et ils pensaient que Jésus devait être quelque chose comme son précurseur, celui qu'il annonçait. Ils se faisaient aussi du Messie une idée, comme celle qu'ils avaient de Melchizédek, sur lequel ils savaient beaucoup de choses, et du prophète Malachi. Jésus leur dit qu'ils reconnaîtraient peut-être le Messie quand il serait trop tard. Je vis que beaucoup d'entre eux se réunirent à la communauté chrétienne avant et après le crucifiement. De Tentia, Jésus alla à 4 lieues à l'est à peu près, dans une ville placée sur une montagne qui avait été une forteresse pendant la guerre des Maccabées. Près de là est la montagne où la fille de Jephté était allée pleurer avec ses 12 compagnes. Sur cette montagne avaient aussi résidé des prophètes ou des ermites, des gens comme les Esséniens. J'ai vu cela alors pour la première fois. Il y a encore des restes de jardins et d'habitations. Balaam aussi résida sur cette montagne, mais s'étant rendu coupable de mensonge, il ne put plus y remonter. Au commencement, il n'y avait rien de mauvais en lui, c'était même un saint homme, mais il tomba. Les disciples qui étaient venus le mercredi trouver Jésus à Selcha sont repartis hier soir après le Shabbat. Aujourd'hui Jésus alla sur la montagne voisine de Datman avant d'entrer dans la ville même. Il y fit une instruction devant quelques centaines de personnes. Sur cette montagne il y a encore des murs en ruine et quelques tours, comme des vigies. Le pays est un haut plateau sur lequel s'élève la montagne. Vers l'Orient, dans la direction de l'Arabie, on peut voir la route qui conduit à Bosra, à Césarée de Philippe et à Damas. Du côté de l'ouest, la vue s'étend jusqu'au-delà du Jourdain. Balaam menait sur cette montagne une vie solitaire et contemplative lorsque le roi des Moabites le fit venir. Balaam était d'illustre origine, il appartenait à une famille très riche. Dès sa jeunesse, il avait eu l'esprit de prophétie. Il se trouvait en rapport avec ces peuples qui avaient les yeux tournés vers l'étoile prédite et parmi lesquels étaient les ancêtres des 3 rois mages. Ce n'était ni un magicien, ni un scélérat. Comme tous les hommes éclairés chez les autres peuples, il n'adorait que le vrai Dieu, mais le culte qu'il lui rendait était imparfait et mélangé. Il s'éloigna de bonne heure de ses compatriotes pour se retirer dans la solitude sur les montagnes, et il fit particulièrement son séjour sur la montagne en question. Je crois qu'il avait là avec lui d'autres prophètes ou des disciples. Lorsqu'il revint auprès de Balak, il voulut y remonter, mais une force divine l'en empêcha. L'odieux conseil qu'il avait donné aux Moabites l'avait fait profondément tomber et perdre entièrement la grâce. Il erra tout troublé dans le désert où il perdit la vie, je ne sais plus comment. J'ai vu beaucoup de choses qui le concernaient. Lorsque la fille de Jephté se retira sur cette montagne, il y avait déjà des jardins et des habitations, et des prophètes ou des anachorètes y résidaient. La fille de Jephté n'était pas une pure juive, son père et elle avaient un mélange de sang païen. Lorsque Jésus enseigna sur cette hauteur, il s'y trouvait de très beaux jardins, une belle chaire, un puits d'excellente eau et quelques vieilles tours. Le soir Jésus alla à Datman, qui est à peu près à 1 lieue au sud-ouest. La ville est grande, mais en partie détruite. C'était une forteresse. Je crois qu'à une autre époque, des Juifs s'y étaient enfermés, que Judas Maccabée les délivra et fit à cette occasion un grand carnage de leurs ennemis. Les gens de ce pays parlent sans cesse de la sainteté de la route de David. Ils disaient à Jésus qu'ils ne voudraient pas habiter le pays d'au-delà du Jourdain, où on ne pouvait pas parler de ce qui avait été vu avant et de ce qui était arrivé sur la route de David. Il citait aussi tout ce qu'on disait de merveilleux touchant le cortège de ces 15 personnages d'élite conduits par leurs 3 chefs, qui avaient passé par là 32 ans auparavant, s'enquérant continuellement du roi nouveau-né. Ils ajoutaient que c'était une tradition parmi les gens pieux que David avait vu par avant ce cortège. Ici aussi Jésus enseigna sur Balaam, sur l'étoile de Jacob et sur la fille de Jephté.